Élection providentielle. Élection providentielle. Élection providentielle, une émission animée par Aymeric Pourbet avec l'hebdomadaire Réforme et le site orthodoxie.com. Les élections présidentielles sont terminées. Vive les élections, pourrait-on dire, mais cette fois, il s'agit des élections législatives, bien sûr. Ceci explique pourquoi nous continuerons dans cette émission à vous accompagner, chers auditeurs, jusqu'au mois de juin, car le choix d'un président n'est pas tout. Encore faut-il une majorité pour mettre en œuvre, aiguillonner, voire même peut-être infléchir les promesses de campagne. Nous continuerons donc avec Jean-Luc Mouton, avec Jean-François Colosimo, à commenter cette actualité politique, parce que les chrétiens ont également leur mot à dire à ce niveau-ci de la politique. Les députés, les représentants de la nation sont en effet aussi des élus de proximité. Par conséquent, ils sont peut-être plus accessibles, plus facilement. Ils peuvent aussi s'engager sur des points très précis. Mais lorsque l'on parle de représentants de la nation, cela a-t-il encore un sens aujourd'hui? On se souvient des débats de la présidentielle sur ce thème de la nation qui a ressurgi de manière un peu inattendue peut-être. Le débat est-il clos? En tout cas, pas pour nous, puisque pour en parler ce soir, nous sommes en compagnie de Pierre Manant, philosophe. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre de recherche politique Raymond Aron. Non, je suis directeur d'études à l'École des hautes études, je ne suis pas directeur du centre. Le directeur du centre, c'est Patrice Guénifé, excellent historien de la Révolution et de l'Empire. Précision importante, merci. Donc le Centre de recherche politique Raymond Aron. Vous êtes également l'auteur, votre dernier livre, La raison des nations, réflexion sur la démocratie en Europe, c'est chez Gallimard. Et puis je précise qu'exceptionnellement, Jean-François Colosimo n'a pu être présent parmi nous, mais Jean-Luc Mouton est là. Jean-Luc Mouton qui dirige l'hebdomadaire Réforme. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je précise que pour des raisons de calendrier également, cette émission est enregistrée avant que la formation du nouveau gouvernement soit connue du grand public. Question d'actualité quand même pour commencer. Pierre Manant, justement, sur ce même gouvernement. L'ouverture au centre semble une chose acquise, même à gauche. Quand on a fait une campagne bien ancrée à droite, est-ce que ça vous semble quelque chose de pertinent aujourd'hui? Bah écoutez, la politique se fait au centre, comme on dit, mais pour pouvoir bien la faire au centre, il faut venir soit de la gauche, soit de la droite, n'est-ce pas? Je crois que c'était l'erreur majeure de François Bayrou que de penser qu'on pouvait concevoir une politique centriste à partir du centre. Le jeu naturel, la respiration naturelle d'une démocratie représentative, c'est l'alternance droite-gauche, et l'on a intérêt à avoir une droite bien caractérisée et une gauche bien caractérisée, ce qui permet ensuite toutes sortes d'évolutions. Donc, je crois en effet que ce qui est en train de se passer aujourd'hui est très heureux. C'est une stratégie habile, j'irais, pour réformer quand on a vu que les précédents gouvernements de Jacques Chirac, soit celui d'Alain Juppé ou plus tard de Dominique de Villepin, avaient échoué justement dans la poursuite de ces réformes face à l'opposition de la rue notamment. Bah écoutez, habile, je ne sais pas. Oui, certainement, mais surtout, je crois que tout le monde a le sentiment que nous avons vécu 12 ans à peu près de paralysie, n'est-ce pas? La France était encalminée, comme disent les marins, d'une façon assez mystérieuse d'ailleurs, alors que tout autour de nous bougeait. Et ce sentiment de d'immobilisation, d'immobilité et d'immobilisme, au fond, pénétrait très au-delà de, si vous voulez, du groupe, disons, des libéraux. Et on l'a bien senti pendant la campagne, y compris dans le langage de Ségolène Royal. Elle a repris ces thèmes de la comparaison entre l'immobilisation française et le mouvement ailleurs. Et donc, je crois qu'en réalité, Nicolas Sarkozy, avec son langage énergique, mobile, son appel au mouvement, au fond, a saisi dans la population française, a rencontré beaucoup plus de sympathie, pas nécessairement sympathie pour sa personne ou pour sa politique, mais de sympathie pour l'espérance de mouvement qu'il représentait, dont on voit aujourd'hui les fruits, y compris à gauche, y compris au centre. Jean-Luc Mouton. Oui, mais quand on dit mouvement, encore faut-il que mouvement ait une direction et une orientation. On a un peu l'impression aussi, aujourd'hui, que les choses sont en train de se brouiller. Dans la mesure où Nicolas Sarkozy nous a proposé une espèce de révolution conservatrice et libérale, on avait ce sentiment-là. Aujourd'hui, en prenant des gens de gauche ou du centre, est-ce qu'il n'est pas en train de brouiller le message qu'il a essayé de donner pendant la campagne, dans son projet en tout cas? Écoutez, je ne sais pas, parce que, bon, s'agissant de Bernard Kouchner, il a toujours marqué son insatisfaction à l'égard de ce qu'était devenu la gauche. Les réformes que l'on dit libérales ou conservatrices de Nicolas Sarkozy, ce sont des réformes qui ont été accomplies par des gouvernements sociaux-démocrates en Allemagne et un gouvernement socialiste en Espagne et un gouvernement travailliste en Angleterre. Votre remarque traduit bien le décalage français, n'est-ce pas, entre ce décalage français que, au fond, Sarkozy nous propose de surmonter. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. On y reviendra, mais sur le fond. Mais le discours de Nicolas Sarkozy était un discours où il voulait assumer un discours de droite, ce qu'on n'a jamais fait auparavant, ce que faisait pas Chirac, jamais fait les gaullistes. Et là, est-ce que ma question, c'est par rapport à cette ouverture, est-ce qu'il n'y a pas, parce que ce que disait hier Laurent Fabius, la gauche est à gauche, la droite est à droite, si on commence à tout mélanger, on ne s'y retrouvera plus, ce que vous disiez tout à l'heure. Non, je ne pense pas qu'on va tout mélanger. Ce n'est pas tout, le Parti Socialiste ne va pas aller dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Il y a des limites à cet exercice-là. Il y a des limites naturelles, bien sûr, mais si vous voulez, par exemple, sur la question de la politique étrangère, il est certain que la sensibilité de Bernard Kouchner se rencontre assez naturellement avec certaines orientations de Nicolas Sarkozy. Donc là, je crois vraiment que c'est un rapprochement qui n'est pas politicien. Il y a de vrais... Sur quel point, précisément? Disons dans les distances qu'ils veulent prendre à l'égard de la politique de Chirac, n'est-ce pas? Parce que la politique de Chirac, c'était l'amour du lointain. C'est-à-dire, c'était l'amour pour ceux qui sont les plus éloignés de nous. Et c'est l'hostilité à l'égard de ceux qui sont les plus proches de nous. Par exemple, certains anti-américanisme réflexe et primaire, très caractéristique de la politique de Jacques Chirac. C'est une vieille tradition française. Porté à ce point, là, et tout de à même... À propos de l'Irak. Non, l'Irak, on était en désaccord, mais c'est la façon dont cela a été mis en œuvre, exploité et célébré, si vous voulez. Donc, je crois qu'il y a de vrais rapprochements entre le centre-droit et certaines parties de la gauche sur un certain nombre de points. Explorons-les. Ça ne veut pas dire que la gauche devient la droite et que la droite devient la gauche. Alors, vous avez parlé de Jacques Chirac, évidemment, cette passation de pouvoir entre les deux présidents, l'ancien et le nouveau, c'est l'occasion aussi de faire un bilan. Vous semblez assez critique sur ces 12 années de présidence Chirac. Est-ce que c'est une certaine manière de faire de la politique qui est en train de disparaître? Écoutez, bon, il part aujourd'hui, j'ai pas envie d'en rajouter. Non, je pense qu'il a été assez calamiteux pour notre pays, je dois dire. C'est-à-dire la paralysie totale couverte par une rhétorique emphatique, dont on a eu encore un exemple hier. Comme je le disais, l'amour du lointain, c'est-à-dire que il a fait peser sur nous une politiquement correcte absurde, c'est-à-dire il en a encore reparlé hier, le dialogue des civilisations, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout se vaut, ça veut dire surtout que tout vaut mieux que l'Occident, n'est-ce pas? C'est ça, que l'art inuit vaut mieux que l'art du Quattrocento italien, et que la religion des sacrifices humains des Aztèques vaut mieux que le christianisme. Vous pensez qu'il pense ça, il juge comme ça? Il a dit à peu près cela, c'est ce qu'il dit très régulièrement, c'est la philosophie du règne de Jacques Chirac. Non, c'est le musée Branly. C'est très curieux comment on lui a laissé dire des énormités ou qui ont culminé. Enfin, autre exemple, n'est-ce pas, le libéralisme est une catastrophe égale au communisme. Oui, enfin, je veux dire, il a déployé, surtout dans la dernière période, si vous voulez, une philosophie générale. Absurde, contraire à tous nos intérêts, à toute notre histoire. Il a été un de ceux qui a empêché que la mention des origines chrétiennes de l'Europe soit mise dans le préambule du traité constitutionnel européen. Non, de ce point de vue-là, il a été vraiment calamiteux. Est-ce que vous considérez que le bilan est entièrement négatif? Est-ce que quand même on peut essayer de retirer quelques points positifs de ces 12 années? Oh, écoutez, il doit bien y avoir quelques points positifs. La reconnaissance de Vichy, des rôles de Vichy. Tout dépend de la manière dont c'est fait, et précisément étant pris dans cette rhétorique de la condamnation de soi, ça prenait un caractère moins noble, si vous voulez. Donc voilà. Non, mais cette idée de la condamnation de soi, est-ce que c'est lié à la tradition gaulliste, ou est-ce que c'est totalement une affaire personnelle de de Jacques Chirac. Chirac n'a aucun rapport avec la tradition gaulliste. Il n'est pas gaulliste, je veux dire ça. Ça, je veux dire, c'est... Non, ça déteste, ce sont des États-Unis, c'est oui, mais une tradition de gaulliste. De Gaulle ne détestait pas les États-Unis, il suffit de lire ses mémoires. Mais bon, il avait la logique des situations politiques nous mettait fréquemment en délicatesse avec les États-Unis, c'est une chose. Non, mais si vous voulez, précisément vous disiez sur cette question de Vichy, certainement, De Gaulle n'aurait jamais fait cela, puisque il distinguait précisément entre la France et la République, et puis le prétendu État de Vichy. C'est une fiction quand même. Oui, mais enfin, d'accord, mais on peut dire que c'est une fiction, mais c'était la fiction fondatrice du gaullisme. Donc on ne peut pas se réclamer de De Gaulle et faire ce que Chirac a fait. Quand Jacques Chirac dit, je voudrais vous amener sur le terrain de la nation qui vous est familier, quand Jacques Chirac dit hier soir, lors de ses adieux aux Français, la nation est une famille, est-ce que là il ne dit pas quelque chose quand même qui correspond à une réalité ? Alors, oui, bien sûr. Ouais, c'est une vieille métaphore. Mais enfin, en même temps, une métaphore, comment dire, dont il faut faire un usage précautionneux, parce que d'une certaine façon, précisément, la République, la nation, c'est ce qui est au-delà de la famille, au-delà des familles. La famille est quelque chose de proche, c'est lié à la... aux générations, au couple, à l'enfantement, la République, c'est un commun qui va très au-delà de la famille. C'est pas un regroupement de familles d'une certaine manière. Oui, oui, mais qui produit quelque chose de nouveau. Et le mystérieux, c'est qu'est-ce que c'est cette chose nouvelle que produit une nation. Ça, c'est très mystérieux et on découvre que, eh bien, on ne sait pas le définir, mais on y tient et on veut le préserver. Ce débat lors de la campagne présidentielle qu'on vient de vivre sur l'identité nationale, est-ce qu'on a abordé les vraies questions ? Est-ce que d'une certaine manière, on ne va pas aussi vers une remise en question justement de ce qu'on considérait jusqu'à aujourd'hui comme la nation ? Ben, moi je crois que ce qui se passe, c'est si c'est un retour au réel en ce moment. Un retour au réel parce que on a vécu surtout dans les 10 ans après Maastricht, on a vécu dans cette idée que, eh bien, la nation était destinée au fond à se fondre, à disparaître, que l'on allait passer de nos vieilles nations à la nouvelle Europe d'une façon irrésistible, naturelle et facile. Et on découvre que non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que on peut pas changer de peau, que l'on vit encore dans nos vieilles nations, que c'est sur cette base-là, si vous voulez, qu'on existe dans le monde, que certainement il faut que les nations d'Europe se rapprochent, qu'elles fassent des choses ensemble. Mais je crois que la perspective de dépasser la nation, la perspective d'une Europe dans laquelle les nations se fondent, cette perspective a disparu du paysage européen. Retour à la nation, ça ne veut pas dire retour à la nation du 19e siècle, ou même de la première moitié du 20e, ou même à la nation gaulliste, mais ça veut dire renoncement à l'utopie post-nationale. Ça, je crois, et je pense que l'élection de Nicolas Sarkozy, pour une part, traduit cela. Il est très frappant que, pendant la campagne, il n'y ait pas eu de représentant, si vous voulez, du courant européiste, du courant fusionnel. François Bayrou n'a pas beaucoup parlé. Précisément, François Bayrou en a très très peu parlé. C'est lui qui aurait dû porter, logiquement, l'étendard de l'Europe. Il a été très discret, il est resté très franco-français. Et je crois que c'est cela que la dernière période nous a appris. Un détail, vous parliez de Jacques Chirac tout à l'heure, je me souviens du discours de Jacques Chirac après les émeutes des banlieues. 2005. Il a fait un discours assez long, de 17 minutes, je me souviens, et ce qui était très extraordinaire, mais là ce n'est pas un reproche que je lui adresse, je le constate, il n'a pas prononcé le mot « Europe ». Ni le mot Europe, ni l'adjectif européen. Donc, après plus de 50 ans de construction européenne, il y avait une crise française, une crise grave. L'Europe disparaît, elle est absente du paysage mental du président de la République. Ça prouve bien, si vous voulez, que nous avons tout de même vécu dans une part d'illusion européenne. Moi, je pense que l'entreprise de construction européenne est quelque chose de noble, de digne d'être poursuivi, mais elle s'est faite à partir d'un certain moment sur une base, je dirais, concret d'effacement de la nation dont aujourd'hui l'on voit bien qu'elle ne mène à rien. On va y revenir, Pierre Manant, sur cette articulation entre la nation, l'Europe. Je rappelle que vous êtes philosophe, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et puis votre dernier livre, La raison des nations, réflexion sur la démocratie en Europe, est publié chez Gallimard. On se retrouve dans un instant. Pour l'instant, place à Henri Salvador avec Jardin d'hiver. Radio Notre-Dame. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver. Pierre Manant est avec nous de retour donc dans cette émission. Pierre Manant, professeur de philosophie politique, ancien assistant auprès de Raymond Aron au Collège de France et qui a également participé à la création de la revue Commentaire. Alors on parle de la nation, on parle de l'Europe, mais aussi on parle des nécessaires réformes. Et Jean-Luc Mouton de l'hebdomadaire Réforme je pose la première question. C'était pas voulu, mais... Non, mais nous sommes pour ça. Voilà. Comme protestants. Non, vous disiez justement que dans tous les pays, qu'ils soient protestants du nord de l'Europe ou même en Espagne ou en Italie, certaines réformes ont été faites sur le plan économique qu'on n'a pas réussi à faire en France. Alors moi, on parlait de Chirac à l'instant, mais la responsabilité, elle incombe à Chirac, mais elle incombe à l'ensemble de la classe politique française. Pourquoi en France, on a un discours extrêmement dévié comme ça sur l'altermondialisme, sur l'extrême gauche, et qu'on n'a pas fait ces réformes de type libéral, parce qu'elles étaient, parce qu'en France, le mot libéralisme, d'ailleurs, est une injure. Écoutez, la responsabilité, elle incombe à nous tous. Je vais vous donner un exemple. Dans l'université, tous les universitaires ou à peu près pensent qu'il serait raisonnable d'instaurer la sélection à l'entrée de l'université. Ce serait la seule façon de faire un bon usage des faibles moyens que l'État et la société nous donnent. Et ce n'est pas fait. La plupart des enseignants pensent cela, ils ne le diront pas, ils le diront en privé, et si, je ne sais pas ce que va faire le gouvernement Nicolas Sarkozy, s'il propose une réforme dans cette direction, je pense qu'il y aura des protestations véhémentes des mêmes enseignants. Comment vous expliquez ça ? Écoutez, c'est l'institution de l'hypocrisie. C'est l'institution de l'hypocrisie qui est intériorisée, y compris par le ministère. Si vous voulez, quand vous faites un projet de master, n'est-ce pas, il est interdit de dire que ce master sera sélectif, c'est-à-dire que vous sélectionnerez les étudiants. En revanche, vous avez la permission de sélectionner sans le dire, en disant par exemple que dans la salle du séminaire, on ne pourra pas prendre plus de 15 personnes pour des raisons de sécurité. Voilà où l'on en est. Mais c'est effrayant. Non, c'est consternant. Oui, absolument. C'est l'institutionnalisation de l'hypocrisie et, par exemple, dans l'université, elle est triomphante. Donc, ce n'est pas la faute de Chirac, pas seulement. Ce n'est pas la faute des socialistes, pas seulement. C'est la faute de nous tous. Mais vous disiez tout à l'heure, il y a un décalage de la société française par rapport aux autres sociétés européennes, qui est beaucoup plus dans le discours à gauche, quoi. Il est évident, si vous voulez, dans l'université, que c'est ces deux premières années où tout le monde peut entrer dans l'université sans savoir trop où ils vont. Ça absorbe une quantité d'argent et d'énergie ridicule, et que donc ensuite il n'y en a plus pour aider les étudiants qui vraiment sont aptes à poursuivre des études. Donc tout le monde est d'accord sur le diagnostic, personne jusqu'à présent n'a osé agir selon ce diagnostic sur lequel tout le monde s'accorde. Donc voilà quelque chose qui est très troublant. Mais Pierre Manant, n'est-ce pas aussi une question de vocabulaire, parce que effectivement le mot libéralisme est un petit peu le chiffon rouge qu'on agite lorsqu'on veut discréditer une réforme quelle qu'elle soit. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'entendre? Est-ce que vous ne pouvez pas nous dire, vous, quelle est votre vision du libéralisme? Parce qu'effectivement, quand on entend libéralisme, on entend souvent en France ultra-libéralisme. Bah, oui, mais si vous voulez, ça c'est... C'est pas difficile de s'instruire, si vous voulez, sur le libéralisme. Bon, non, mais comment entendre libéralisme? Au départ, dans son inspiration originelle au XVIIIe siècle et même avant, le libéralisme c'est quoi? C'est la libération des énergies, des talents, des possibilités. Si vous voulez, c'est la métaphore l'image dans un ouvrage du XVIIIe siècle, c'est celle d'un géant, n'est-ce pas, c'est Gulliver, si vous voulez, entouré de chaînes, et la légende, c'est détachez-le et laissez-le aller, n'est-ce pas. C'est ça le sentiment libéral au départ, c'est-à-dire que la société d'ancien régime, la vieille société, est enfermée dans le carcan des corporations, des interdictions, des règles, et que donc il faut institutionnaliser la liberté, institutionnaliser l'initiative, permettre à ces initiatives de se déployer. Alors, c'est toujours ça, c'est-à-dire que c'est ça le principe. Donc, le problème, c'est que le libéralisme suppose donc une confiance en soi, une confiance dans ses forces. Ça mobilise les forces d'une société, mais... n'est-ce pas? Il faut que cette société ait une certaine confiance dans ses forces. Et le problème avec nous, n'est-ce pas, de chez nous, depuis quelques années, c'est que nous n'avons pas cette confiance en nos propres forces. Et donc, nous avons le sentiment que si on fait les réformes libérales, alors nous allons être désavantagés, nous n'allons pas être capables d'affronter les conséquences de ces réformes. Je crois que c'est ça la principale difficulté. C'est pas tellement... Bon, bien sûr, il y a le problème idéologique, le fait qu'il y a une tradition très anti-libérale en France, bien sûr. Mais il y a profondément, je crois que la cause de la résistance, de l'hostilité à un certain nombre de réformes libérales qui, par ailleurs, s'imposent, c'est un manque de confiance en nous-mêmes. Un manque de confiance en nous-mêmes que nous avons progressivement intériorisé. Il y a l'idée aussi que si on libère toutes les forces, les puissants vont écraser les petits, il va y avoir des inégalités criantes. C'est un peu ça l'idée. La peur de la mondialisation. Voilà, il faut qu'il y ait des limites à la liberté, quand même. Non, mais bien sûr, mais il faut bien sûr qu'il y ait des règles. Non, mais ça... Le problème, c'est que dans ce que vous avez défini à l'instant, vous ne définissez pas un horizon de règles, vous définissez un horizon de liberté. Je dis, ça c'est, si vous voulez, l'impulsion première, l'idée première. Et ensuite, évidemment, il faut des règles. Bon, d'une certaine façon, le libéralisme et la société libérale est celle qui a le plus besoin de règles et de règles imposées très strictement. Ça nous sommes bien d'accord. Alors là, il y a un débat très très légitime. Bon, de même qu'il y a un débat très légitime sur l'imposition, la taxation des successions, la part de si vous voulez de l'encouragement qui est donné au travail, au patrimoine. Ça c'est un débat très légitime. Nicolas Sarkozy recommande à juste titre que le travail soit enfin rémunéré en France, enfin mieux rémunéré en France. Tout à fait. Alors, est-ce que cela entraîne nécessairement la détaxation des patrimoines? C'est une question qui mérite d'être posée. Donc, il y a de vrais débats. Il ne suffit pas. Je veux dire, le choix d'une société plus libérale ne détermine pas tous les aspects de la société que nous allons avoir et surtout n'exclut pas des divisions des désaccords très sérieux sur, par exemple, le type de taxation que l'on va instaurer. Donc, je ne pense pas que le libéralisme apporte, si vous voulez, une sorte de formule sociale à mettre en œuvre à 100%. C'est une direction, et ensuite, chaque société, évidemment, module son approche par l'imposition et par toutes sortes de choses. Mais pour comprendre un peu la réaction française, est-ce qu'une des explications n'est pas le poids excessif, très important par rapport à d'autres sociétés, de l'extrême gauche, avant du Parti communiste, de l'extrême gauche, qui prend ses racines dans la Révolution? Je ne sais pas. Comment on peut expliquer ce poids? Parce que est-ce que c'est pas ce poids, d'ailleurs, là, de l'extrême gauche, qui pèse toute la société française et qui fait ce décalage par rapport à d'autres sociétés? Oui, c'est vrai qu'il y a cette extrême gauche qui a toujours une légitimité. Qui est un poids important en France. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, la légitimité de l'extrême gauche, même sous ses formes les plus absurdes ou les plus antipathiques, comme par exemple le maoïsme, le trotskisme, comme par exemple, n'est-ce pas, lutte ouvrière de d'Arlette Laguiller, qui était le mouvement trotskiste qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait refusé de choisir entre Hitler et les Alliés, n'est-ce pas. C'est quand même, et malgré tout, elle est populaire, tout le monde aime Arlette. Bon, là, il y a quelque chose, il y a une... Comment on peut expliquer ça? Il y a une bizarrerie française, ouais. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais, on ne vous reprochera jamais d'être trop à gauche, avoir été communiste, stalinien, polpotiste, maoïste. Ben c'est sympathique, c'est amusant, ça met un peu de scène dans votre biographie. Oui, même si on a publié, Courtois a publié le livre noir du communisme, ça n'a pas suffi. 80 millions de morts, pour eux, c'est pas. C'est comme ça. Un mot, Pierre Vanant, quand on parle de réforme, on pense bien sûr aussi à la réforme de l'État. Et je voudrais vous amener sur le lien très fort qui existe en France entre l'État et la nation. Comment vous articulez les deux, crise de l'État, crise de la nation? Quel est le lien que vous faites entre ces deux éléments? Oh, là, c'est une question immense. Crise de l'État, crise de la nation. Certainement, l'État en France est impérieux, encombrant. En même temps, il a été tout de même, pendant très longtemps, assez remarquablement compétent, quand même, n'est-ce pas? Il y a, si vous voulez, dans un certain libéralisme mécanique. Alors là, je vais m'adresser plutôt à un certain libéralisme, une condamnation un petit peu automatique de l'État. C'est pas votre cas? Non, pas du tout. Je pense d'abord non seulement que l'État a des fonctions régaliennes, mais aussi à certains, bon, sur ce point tout le monde est d'accord, l'ordre public, bon. Mais aussi personnellement, je ne trouve pas absurde que l'État ait une certaine supervision de l'économie, n'est-ce pas? Ça, je dois dire que aujourd'hui, il y a une certaine doctrine de la concurrence pure et parfaite, n'est-ce pas, que les commissions européennes ou que souhaitent imposer, qui me paraît pas toujours judicieuse. S'agissant, par exemple, de l'énergie, il ne me paraît pas absurde que l'État, d'une façon ou d'une autre, soit par des entreprises nationales ou par des entreprises en partie contrôlées par l'État, garde un œil sur la sécurité et la régularité des approvisionnements énergétiques et de la production énergétique. Je veux dire, là, il y a... Parce qu'en réalité, si vous prenez les régimes les plus libéraux, vous voyez que, pas nécessairement de la façon dont les Français le font, mais l'État garde un œil sur ses industries, de base. Les États-Unis, l'État américain garde d'œil sur ses industries de base. Après tout, n'est-ce pas, Boeing est à moitié dans la main de l'État américain, puisque plus de la moitié de ses revenus viennent des commandes militaires. Donc, il faut un certain pragmatisme. Ils sont, si j'ose dire, Boeing est aussi nationalisé ou public que Airbus, n'est-ce pas ? N'empêche que l'État en France a un poids qui est un peu exceptionnel, qui est comparable à ce qui se passe dans l'Europe du Nord, dans quelques pays d'Europe du Nord. Mais 56% ou 54% du PIB, c'est quand même considérable. Il est évident que ça, c'est absurde et que bon, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah bah écoutez, on va voir ce qu'on nous propose. Vous savez, c'est facile à dire, mais est-ce que c'est possible de supprimer la moitié des fonctionnaires qui partent à la retraite ? Non, si vous voulez, en France, ce qui est frappant, c'est qu'on ne supprime jamais rien. On empile. Ouais, on empile. Et donc, il est certain que là, il y a dans les diverses administrations de l'État, il y a certainement des niveaux à supprimer ou à redéployer, et puis peut-être tout simplement à sous-traiter, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de raison que tout le monde soit fonctionnaire de l'État. Mais là, c'est un peu comme le problème de la sélection. Est-ce que vous pensez que même la volonté de Nicolas Sarkozy peut y arriver ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des blocages terribles ? Parce que si les gens sont syndiqués en France, ce sont bien les fonctionnaires. Est-ce qu'on va pouvoir attaquer ces questions-là ? Les fonctionnaires, si vous voulez, moi je vois bien quand même un peu ce qui se passe dans l'université. Je ne parle pas simplement des enseignants, mais aussi ceux qui sont dans l'administration. Ils ont toutes sortes de petits avantages, mais ils ont aussi de très petits salaires et les carrières sont bloquées. Donc je pense que si le gouvernement propose à ses fonctionnaires, n'est-ce pas, peut-être de travailler davantage, mais d'avoir des possibilités de carrière enfin ouvertes, bien les fonctionnaires l'écouteront avec intérêt, parce que ceux qui ne sont pas fonctionnaires vitupèrent les fonctionnaires, mais la condition de vie réelle des fonctionnaires n'est pas si splendide que ça, et en particulier, je vous dis, les salaires sont très bas et les possibilités d'évolution de carrière sont très très restreintes. Et là, il y a besoin de mouvement là aussi, et beaucoup de fonctionnaires sont prêts, tout de même, ils ont envie d'avoir un travail plus intéressant, plus varié, plus ouvert. Est-ce que la question qui est posée sur la méthode maintenant d'application de ces réformes, on a vu les commentaires de la presse à propos de Nicolas Sarkozy ces derniers jours, hésiter entre Thatcher et Blair, c'est-à-dire un libéralisme plutôt et des réformes plutôt radicales, et puis de l'autre côté plutôt un libéralisme tempéré à la Tony Blair. Où est-ce que vous le situez, Nicolas Sarkozy ? Parce que finalement, on a du mal aujourd'hui à voir un petit peu entre ces mesures protectionnistes et puis son admiration du modèle anglo-saxon. Bon, je ne sais pas. Ce ne sera certainement ni Madame Thatcher ni Tony Blair. Ou les deux à la fois, peut-être ? Non, parce que bon. Si vous voulez, Madame Thatcher, il faut bien voir qu'elle est arrivée dans une Angleterre qui était vraiment chaos. Là, tout de même, ça ne va pas très bien en France, mais nous allons mieux que l'Angleterre en 1979. Et elle est arrivée véritablement avec une doctrine libérale, mais une doctrine libérale systématique, et donc très méthodiquement, elle a mis en application cette doctrine libérale. Elle a cassé les syndicats, elle a réformé les règles régissant, n'est-ce pas, le rôle des syndicats, et puis elle a supprimé un certain nombre d'institutions de l'État providence anglais, etc. Bon, Nicolas Sarkozy ne va pas faire ça. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je pense que il a le sentiment, je me trompe peut-être, que un certain nombre de réformes assez limitées, mais menées rapidement et énergiquement, suffiront à remettre en mouvement un peu la société française. Et c'est mon sentiment. J'ai le sentiment que les Français, droite, gauche, centre, en ont assez de se sentir à ce point paralysés par eux-mêmes, paralysés par leurs peurs, paralysés par cette immobilité dans laquelle ils se sont installés, et que donc... Il faut une impulsion. Ils ont besoin d'une impulsion... Et que Nicolas Sarkozy va la donner, voilà le meilleur scénario. Encore une fois, je ne pense pas que nous avons besoin d'une révolution libérale. Je pense que nous avons besoin, sur un certain nombre de points, de réformes limitées, mais menées de manière très cohérente. Bon, par exemple, dans l'université, il y a à coup sûr, ce n'est pas une révolution d'instaurer une certaine sélection et de commencer à instaurer une certaine autonomie des universités. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas une révolution. Encore faut-il le faire. On est souvent, on parle souvent des modèles français. Chirac d'ailleurs disait qu'il fallait le défendre, et puis Nicolas Sarkozy répondait qu'un modèle, social qui laisse 10% de gens en dehors du travail n'est pas un modèle qu'il faut maintenir. Qu'est-ce que vous pensez de ce modèle français? Est-ce qu'il y a un modèle français, ou est-ce que ça ne veut rien dire, cette expression? Ben, si vous voulez, c'est un modèle français qu'il faut réformer complètement. Moi, je crois qu'il y a des aspects, oui, il y a des aspects du modèle français, si on emploie ce langage, qui sont dignes d'être préservés. Mais par c'est exemple, pas le modèle français, la place de l'État, c'est un mélange assez ingénieux et économique cette fois, de mêler le public et le privé, par exemple notre système de santé. Je dois dire que le système de santé français est un équilibre entre la liberté du malade, la liberté du médecin et la garantie des soins, qui est assez remarquable. Alors il est très tendu, il craque aux coutures, mais si on compare le système français aux autres systèmes, je dois dire qu'en effet je trouve que le système de santé français est assez remarquable. Donc voilà, je ne dirais pas le système français, mais je dirais autant je pense par exemple qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'université, autant je pense que s'agissant du système de santé français, il faut en effet le perfectionner, le rationaliser, mais aussi le préserver le plus possible, parce que je trouve que nous avons un équilibre, un des meilleurs équilibres du monde, entre les différentes exigences d'un système de santé. Pierre Manant, qui n'est donc pas un décliniste ou un déclinologue, comme on pourrait dire. On se retrouve dans un instant. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La raison des nations, réflexion sur la démocratie en Europe, c'est chez Gallimard, et on va y revenir justement, avec notamment peut-être aussi la part du christianisme, de la religion, dans cette vision. À tout de suite. Radio Notre-Dame. It was fascination, I know, and it might have ended right then at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way empty-hearted. It was fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand, and next moment I kiss you. Fascination turned to love. Fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand, and next moment I kiss you. Fascination turned to love. C'était Nat King Cole avec Fascination, et nous sommes avec Pierre Manant, professeur de philosophie politique à l'École des hautes études en sciences sociales. Pierre Manant, qui s'est beaucoup intéressé à la question de la nation, qui a été évoquée autour de cette, dans cette campagne, autour de la question de l'identité nationale, et des propositions faites par Nicolas Sarkozy autour de la part du christianisme dans cette identité nationale. Alors, une question, Pierre Manant, la condition de l'homme moderne, dites-vous, l'homme moderne puise son identité dans une révolte contre l'emprise du christianisme, hein, c'est ce qu'on a vu depuis la Révolution française, tout le mouvement qui a conduit à aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que la condition de la renaissance de la nation est dans la résurgence du christianisme dans la société? C'est une question là encore très compliquée. Oui, alors, révolte contre le christianisme, en effet, l'État moderne se construit pour neutraliser en tout cas les questions religieuses, c'est-à-dire, c'est une remarque de tous les historiens, c'est une thèse tout à fait banale mais vraie, que l'État moderne se construit à la suite des guerres de religion, il s'agit de parvenir à la paix civile, et donc il faut séparer le pouvoir et l'opinion. Et comme l'opinion qui est la plus motivante pour les hommes, c'est l'opinion religieuse, il faut séparer le pouvoir de l'opinion religieuse, et ultimement on va vers la séparation de l'Église et de l'État. Voilà la constitution de l'État moderne. En même temps, et c'est ça qui rend la description du processus très compliqué, cet État neutre, qui se veut neutre, laïque si vous voulez, gouverne une société, une nation qui a intériorisé le christianisme. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, si vous voulez, que l'État d'une certaine façon se sépare de la société et se déchristianise, la nation en quelque sorte approfondit et intériorise son christianisme, ce qui fait que si vous prenez l'histoire des nations européennes, vous voyez que Allemagne, France, Angleterre, eh bien ce qui les caractérise dans leur développement moderne à partir au moins du 15e, 16e siècle, bien sûr à partir de la réforme, c'est la façon dont chacune s'approprie nationalement la religion commune de l'Europe. Bon. D'une certaine façon, l'âge des réformes, c'est l'âge de la nationalisation de la religion chrétienne. Bon, Luther traduisant la Bible en allemand, c'est l'exemple évidemment le plus parlant. Donc, le mouvement est quelque chose est très complexe parce que il va dans des directions qui semblent opposées. Donc, je crois que il faut maintenir les deux aspects, État neutre, État laïque, c'est absolument nécessaire, c'est bon, c'est salutaire. Et puis, ne pas, d'autre part, se rendre compte que nos nations se sont constituées dans un processus complexe d'appropriation différenciée de la religion chrétienne. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Français sont chrétiens, ni bien entendu, ou les Anglais. Ça ne veut pas dire que il faudrait faire une sorte de campagne de réarmement moral. Soyez chrétiens, devenez chrétiens, ce qui, de toute façon, a peu de chance de produire des effets. Mais peut-être s'interroger en effet, réfléchir, puisqu'on réfléchit sur notre identité, réfléchir à la manière dont véritablement le rapport avec le christianisme est constitutif de notre identité. Et rapport avec le christianisme, ça ne veut pas dire nécessairement devenir chrétien. Ça peut être aussi bien rejeter le christianisme. Voltaire n'est pas moins représentatif de la nation française que Pascal. Mais précisément, si vous voulez, je crois que pour nous comprendre nous-mêmes, il faut comprendre que nous sommes la nation de Voltaire et de Pascal. Et que c'est ce dialogue qui nous définit, et que pour continuer d'exister, de valoir d'une certaine façon sur la scène du monde, d'avoir quelque chose à dire, il faut que nous continuions ce dialogue, et non pas 10 ans, la religion c'est le privé, ça n'a rien à voir avec l'espace public. Non, si, bien sûr, c'est le privé au sens où l'État est neutre, mais le débat public sur la religion est légitime. Et ça, c'est un problème de la France. Nous avons beaucoup de peine à faire participer la religion au débat public. Je dis parfois que c'est un peu en train de changer, que le catholicisme en France est plus absent du débat public que si la religion était interdite. C'est extraordinaire la réticence des chrétiens en France à participer en tant que tel au débat public. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, vous parliez tout à l'heure de la crise de confiance un petit peu des Français en eux-mêmes qui empêche finalement de se projeter dans ces réformes. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que cette crise de confiance, elle vient de ce rejet d'une partie de notre héritage, et donc l'héritage chrétien en l'occurrence? Oh, je crois que cette crise de confiance elle touche tous les secteurs de l'opinion. Après tout, si vous voulez, nous parlions du communisme en France ou de l'extrême gauche, il est certain que pour beaucoup de nos concitoyens qui étaient de ce côté-là, le désastre du communisme leur apportait un coup, n'est-ce pas? Et donc eux aussi, à leur manière, sont dans la perplexité et dans une forme de désespoir au sens premier du terme, manque d'espoir. Je crois que la condition de l'espoir, c'est évidemment le sentiment d'avoir un avenir. Ça paraît une lapalissade, c'est une lapalissade, mais d'une certaine façon, nous avions intériorisé l'idée que bien la France n'avait pas d'avenir, et disons ceux qui nous gouvernaient nous disaient que c'est très bien comme ça parce que nous allions passer dans quelque chose de supérieur, de plus universel, l'Europe, le monde, que sais-je. Ce que vous appelez la religion de l'humanité. La religion de l'humanité. Et cette religion de l'humanité montre ses limites, et donc nous sommes en train de nous rendre compte que pour l'avenir prévisible, nous serons français. Nous ne changerons pas de peau, et donc il s'agit de nous retrouver nous-mêmes et de nous interroger sérieusement sur ce que nous sommes, ce que nous voulons être, ou continuer d'être, ou devenir, ou changer, je ne sais pas. Mais je crois que la première chose, si vous voulez, la condition de du renouveau, c'est vraiment l'intériorisation de cette constatation, la nation ne va pas disparaître. Jean-Luc Mouton. Vous disiez que les peuples d'Europe ont intériorisé le christianisme, mais objectivement aujourd'hui, la sécularisation aidant, l'inculture religieuse aidant, il n'en reste vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce qui reste dans quand on fait des enquêtes et quand on parle aux jeunes d'aujourd'hui, même aux générations plus âgées, et quand les références bibliques, les images, les tableaux, enfin toute la culture européenne qui a forgé notre identité est totalement passée, est inconnue. Enfin, je veux dire, on n'a pas les ressorts, on n'a pas le sens profond de tout cela. Oui. On a comme vernis, enfin. Il y a une chrétien. Alors ça, c'est une question. C'est la question que je vous pose. Je ne sais pas répondre à cette question parce que je crois que le mode de présence de la religion dans une société est très difficile à évaluer, très difficile à évaluer. Dans les deux sens, c'est-à-dire que je pense que là, j'ai un peu étudié cette question dans les époques dites chrétiennes. Qui rétrospectivement nous paraissent dominés par le christianisme. Je crois en réalité que le Moyen Âge, par exemple, le Moyen Âge, au XVIe siècle, le christianisme était beaucoup moins présent, beaucoup moins triomphant, en tout cas l'image qui nous en reste. Et symétriquement, je crois que la religion est beaucoup plus présente parmi nous que nous ne pensons. C'est-à-dire, bien sûr, les références bibliques, je ne sais pas les Le roi David ou même on voit l'intérêt les émissions de télévision, enfin ce qui oui, porte mais intérêt aujourd'hui est assez loin de la spiritualité chrétienne quand même. Bien sûr, mais en même temps je crois que il m'arrive très rarement de rencontrer quelqu'un à partir du moment où on le connaît un peu pour qui la religion ne présente aucune espèce d'intérêt. Voilà, c'est ça, je suis frappé. Ça ne veut pas dire que beaucoup de Français fréquentent l'église ou le temple, mais je trouve que, y compris dans les milieux intellectuels, et ça c'est plutôt nouveau, il y a un intérêt réel, substantiel pour les questions religieuses, et y compris un effort d'information et de rattrapage, parce que votre constatation est fondée, mais précisément il y a un effort très sérieux, au moins chez certains, pour surmonter cette ignorance. Et vous direz que le phénomène autour de, par exemple, Michel Onfray, de ce philosophe qui est très athée, qui a draine autour de lui un mouvement d'opinion, enfin, dans l'impression, ça va concerner le même phénomène, c'est-à-dire d'intérêt vis-à-vis de la religion, à contrario? Comment vous l'analysez ? Il y a une émergence très forte d'une parole athée aujourd'hui qui est étonnante. Oui, c'est bizarre. Probablement, c'est une réaction, si vous voulez, à cette espèce de discours ni chèvre ni chou, je sais pas comment on dit, ni chèvre ni chou, où tout est dans tout et réciproquement, et les gens sont un peu à la recherche d'une parole un peu nette, un peu ferme. Est-ce que Michel Onfray apporte cette parole, c'est autre chose, mais je ne sais pas. En tout cas, il y a une vraie attaque contre le christianisme. On a l'impression que le christianisme revient en force. Alors, quand on l'écoute, alors que c'est pas tout à fait ce qu'on voit tous les jours. Oui, on serait très heureux. Oui, c'est mystérieux parce que chacun a l'impression que l'autre triomphe, n'est-ce pas ? Ça, c'est aussi une des règles de la vie politique. Peut-être une réflexion, Pierre Manant, pour conclure notre entretien. Je voudrais vous citer lors d'un entretien que vous avez accordé au mensuel La Nef, où vous dites : l'État libéral est le seul qui permet de faire vivre le républicain et le chrétien, qui permet la paix entre les hommes qui ne s'accordent pas sur la vérité. Est-ce que finalement, ce libéralisme que vous défendez n'est pas la seule solution politique viable en ces temps de relativisme ? C'est un peu ce que vous dites ou j'ai mal interprété votre pensée ? Non, vous avez raison. Libéralisme politique, oui, bien sûr. Encore une fois, séparation de l'État et de la société, l'État neutre, laïque. Mais en même temps, la société ne doit pas chercher à être neutre. La société doit débattre librement des grandes questions communes, y compris de la question religieuse. Par exemple, c'est peut-être pas le moment d'engager cette question, mais le débat sur l'islam est un débat qui doit être un débat public. On ne peut pas dire ne parlons pas de l'islam, séparation de l'Église et de l'État. Non, l'islam est un des grands enjeux du monde à venir. Le christianisme, le judaïsme, Israël, les grands faits politico-spirituels, car les deux sont inséparables, doivent être débattus dans l'espace public. Mais est-ce qu'on peut fonder une société lorsqu'on n'est pas d'accord sur des valeurs fondamentales ? La preuve, oui, parce que les valeurs, qu'est-ce que les notions de valeurs ne veulent pas dire grand-chose. Notre société, la France existe avec Voltaire et Pascal. Est-ce qu'ils étaient d'accord sur les valeurs fondamentales avec des communistes et des catholiques de droite, avec des libéraux et des sociaux-démocrates. C'est ça qui rend la vie un petit peu intéressante aussi. Donc c'est mystérieux. Une nation, c'est une mise en commun de choses très diverses dont on ne penserait pas qu'elles puissent tenir ensemble. Et d'une certaine façon, l'originalité de chaque nation, c'est l'originalité du mélange. Merci beaucoup, Pierre Manant, d'avoir été avec nous au cours de cette émission. Vous êtes professeur de philosophie politique à l'École des hautes études en sciences sociales. Et puis, votre dernier livre, La raison des nations, est publié chez Gallimard. Très bonne soirée.